Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le parcours d'une vie en 10 volets. Le premier racontait l'enfance et l'entrée dans la résistance. Le deuxième, la libération de Paris et les débuts dans le journalisme, un journalisme de témoignages. Le troisième volet, cette nuit, Madeleine Riffaut veut-elle repeindre le monde en rouge ? Témoigner, c'est aussi lutter. Lutter contre les guerres coloniales, cette guerre en Indochine, Indochine lointaine. Au début, les Français ne s'y intéressent guère ou ne se rendent pas compte. Du reste, le contingent n'y est pas engagé. Rencontre avec Ho Chi Minh, premier reportage en Indochine, l'entrée dans la nuit coloniale, tel est le titre de ce rendez-vous, le troisième de la série Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Closet. Première diffusion sur France Culture, le 4 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Renner, la résistante, a définitivement laissé la place à Madeleine Riffaut, le grand reporter. Soutenue et parrainée par Paul Éluard, Louis Aragon et Elsa Triolet, Madeleine Riffaut est devenue journaliste. De 1946 à 1955, ce sont les années de la nuit coloniale. Les années aussi des premières amours vietnamiennes. Indochinoises, aurait-on dit alors. Qui m'a dit d'apprendre mon métier, c'était Ho Chi Minh, vous m'y faites songer. Quand j'étais à ce soir, enfin, je ne connaissais pas encore Pierre à cette époque, et j'étais en train d'apprendre mon métier, puis il y avait une très très grande journaliste, une immense bonne femme, une petite souris, elle était toute petite menue, elle était déjà fort âgée à cette époque, elle s'appelait André Violis. Alors, personne ne se rappelle peut-être plus de cette vieille dame qui avait écrit Indochine SOS. Elle travaillait dans un journal qui s'appelait L'œuvre, un journal de gauche, quoi. Enfin, bon. Donc, elle m'avait un peu pris sous son aile. Elle me dit, au moment des... Vous savez, en 1946, il y a eu les accords de Fontainebleau. Les Japonais ayant été chassés, le Vietnam voulait faire valoir ses droits à l'indépendance. On disait l'Indochine encore. On disait encore l'Indochine, oui, bon, enfin. Et ils pensaient, comme les Algériens d'ailleurs l'ont pensé aussi en 1945, que l'Union française avait. Il fallait la faire autrement, il fallait peut-être la faire autrement parce que. Bon, ils voulaient leur indépendance aussi. Et à ce moment-là, Évidemment, c'était pas encore clair ni dans la tête des Français ni dans la tête de beaucoup de gens, parce qu'il fallait trouver les chemins pour arriver à cette indépendance, mais sans toutefois couper forcément les rapports d'amitié, de coopération, à égalité entre les deux pays. Mais enfin, tout cela était encore dans sa petite enfance. Bref, le président Hồ Chí Minh était reçu à Paris. Et André Violis dit à la jeune fille que j'étais, « Veux-tu que je t'emmène voir une conférence de presse ? Parce que ça, tu vas voir comment on travaille, une conférence de presse. » Et elle m'emmène à Fontainebleau, où le président Hồ Chí Minh donnait une conférence de presse. Et j'étais très frappée par cet homme qui faisait penser un peu à Gandhi, qui était dans ce strict costume de toile. Et j'avais été conquis par sa simplicité, sa sincérité, sa dignité aussi. Et j'avais été très choquée parce qu'il y avait un journaliste qui lui avait dit « Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous portez toujours cette même veste en toile ?» Alors le Président m'avait dit « Mais monsieur, dans mon pays, il y a peu de familles paysannes qui disposent de plus d'un coupon de vieux chiffon pour toute la famille. Personne n'a un vêtement entier. Je me trouve privilégiée d'être habillée comme je le suis. » Bon. Et puis, dans le couloir, comme nous partions, voilà que nous tombons nez à nez avec lui. Alors André Violis, qui connaissait le président depuis déjà apparemment longue date, lui serre la main et lui dit « Tiens, monsieur le président, je vous présente une petite jeune fille qui vient des maquis français, qui a battu officiellement, etc. » Alors, lui aussi, il a fait exactement comme Éluard avait fait peu avant. À ma stupeur, il m'a regardé. Il y a quand même des gens qui s'intéressent aux autres. Alors, il m'a regardé, et puis, il m'a posé la main sur l'épaule. Je n'irais même pas jusqu'à dire qu'il m'a embrassé, mais c'est bien possible, parce qu'il était vraiment tellement paternel, et pas paternaliste. Hein. Alors, il me dit, mais c'est bien ce que tu as fait, ma petite. C'est très bien, c'est très bien. Il y a des femmes admirables en France. Bon, et bien il me dit alors comme ça, tu veux être journaliste? Je lui dis moi, ouais, je sais pas encore mon métier. Il me dit ça, c'est un métier. Moi, j'ai été journaliste. Il avait été journaliste effectivement à Paris dans les années, j'étais pas née, hein, dans les années 24, 23. Et alors il me dit apprends ton métier. C'est un conseil que je te donne. Et quand tu connaîtras ton métier, eh bien je t'inviterai dans mon pays comme ma propre fille. Moi, je n'ai pas pensé qu'il se souviendrait un jour de cet épisode minuscule que j'avais moi-même eu tendance à oublier. Et puis, quand j'arrive, il y avait une réception à l'honneur de M. Satny, je ne sais pas. Puis, j'aperçois le président Hồ Chí Minh, que bien sûr, je n'avais pas vu depuis 8 ans, parce que ça avait duré 8 ans, cette guerre atroce. Et Il écarte tout le monde, il vient vers moi, et puis il me dit « Eh bien, ma petite, tu as appris ton métier, semble-t-il » Moi, complètement désarçonné, je rougis, et lui dit au diplomate qui l'entourait « Mais voyez cette jeune journaliste, elle a oublié qui je suis, elle ne me reconnaît pas. Comme je suis malheureux, elle a oublié notre rencontre. Et moi, je pensais toujours à elle. » Bon, alors, il a fait rire tout le monde, évidemment. Et On va aller peut-être un peu plus lentement. Oui, alors non, je voulais dire simplement de terminer avec Ho Chi Minh, mes amours avec Ho Chi Minh, parce que c'est amusant, quoi. Bon, tous les journalistes qui étaient là voulaient voir Ho Chi Minh, puis Ho Chi Minh ne voulait pas donner d'interview. Et puis, on ne le voyait jamais arriver. On ne savait jamais où il était, ni où il était. Bon, mais il vivait très simplement. Il vivait dans pas du tout dans le palais de l'ancien gouverneur français, mais dans toute petite maison, vraiment très modeste. Et alors, on frappait à ma porte le matin, et on me disait vite, le président veut vous voir. Alors je sautais ça pour le petit déjeuner avec Ho Chi Minh. Alors il arrivait toujours par un endroit où j'attendais pas, habillé avec un pyjama marron de la couleur de la terre vietnamienne, qui est le pyjama du paysan du Nord, quoi. C'est une teinture naturelle. Et il arrivait comme ça, il me disait, alors, ma petite, alors moi, à ce moment-là, j'étais pas seulement à l'UMA et ailleurs, j'avais aussi Pays Assyra, j'avais Radio Luxembourg, alors j'avais mon agra qui était là, mon magnétophone. J'ai dit, monsieur le président, est-ce que vous allez m'accorder une interview aujourd'hui? Et alors, il disait, oh, mais attends, laisse-moi me détendre un peu pour une fois que je suis un peu tranquille. Alors, tiens, mange un peu parce que tu as besoin de manger. Alors il me donnait des bonbons, me donnait du café, fumait cigarette sur cigarette. Et puis il me disait, raconte-moi Paris un petit peu. Alors, tu connais la rue Gracieuse? Ah, non, pas vraiment. Ah, tu connais rien alors? Tu connais pas la rue Gracieuse? Elle est dans le 13e arrondissement, derrière la mairie du 13e. Oui, je crois, je me trompe peut-être d'ailleurs. Ah, oh, tu sais, moi j'y habitais, elle n'était pas tellement gracieuse à cette époque, cette rue-là. Enfin, bon, je faisais ma cuisine sous une lampe à alcool et tout. Ben. Puis je me mettais à me raconter ces histoires de Paris. Et puis il me demandait des nouvelles, des gens qu'il avait connus à l'époque, de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Il savait que Vaillant-Couturier était mort. Et comment faire Jacques Duclos, ouais, bon. Et le théâtre de l'Atelier, est-ce qu'il joue toujours Léopoldas? Bon, écoutez. Et puis, mais tu connais la romancière Séverine? Non, monsieur le président, je ne connais pas. Mais enfin, tu ne connais rien du tout. Et tu veux une interview de moi. Alors, tu voudrais vraiment. Mais Séverine, c'était une romancière très progressiste, très très bonne, très. Je l'ai connue. Attends voir. Ben, c'était en 1924. Je lui mets moi je venais de naître. Moi je m'étais peut-être même pas née. Ah ben oui, ben c'est bien ce que je disais au début. Tu es trop jeune. Tu es une petite fille finalement. Bon, alors finalement l'heure venait de se quitter, puis j'avais pas l'interview. Et c'est comme ça. J'ai eu le jeu du journaliste interviewé pendant toute la guerre entre Ho Chi Minh et moi. Et je suis la seule qui n'ait pas eu d'interview d'Ho Chi Minh. Et à la fin, quand le moment venait pour lui de s'en aller, parce qu'il n'y avait pas que ça à faire quand même, il me donnait une rose. Il me donnait toujours une rose, la même d'année en année, me semblait-il, et une rose pompon. C'est rose pompon, rose. Moi, je savais quand il était à Hanoï, parce que quand je voyais des invités qui se promenaient avec une rose pompon, je disais, ceux-là, ils ont vu Ho Chi Minh, parce qu'il n'y avait qu'un seul rosier pompon, c'était dans son jardin. Alors, bon, et puis il me disait, ah, va donc voir Phan Van Dong, le Premier ministre, il va te donner une interview pour Luxembourg. Bon, va Phan Van Dong donner une interview, madame, il faut. Bon, alors, je venais. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, à part l'interview? Monsieur le Président, je voudrais ne pas avoir d'obstacle à ma circulation, parce que je suis très ennuyée, parce que, comme tous les journalistes présents à Hanoï, les gardes du corps, tout ça, l'armée, ils sont trop... nous empêchent de faire notre travail. Mais vous savez, si j'étais du côté américain, il y a déjà eu 37 journalistes tués. Si je suis tuée, ça n'a aucune importance, je fais mon métier. Et il m'a dit, oui, mais nous, notre travail, c'est de veiller quand même à ta sécurité. Alors, bon, enfin, puisque c'est toi, je vais donner des ordres. Alors, il avait donné des ordres, et j'avais un petit fanion sur ma Jeep, ce qui m'a amené à vivre pas mal d'aventures. Hanoi Cantate de Nguyen Dinh Thi, enregistrée par Madeleine Riffaud en 1951. Nguyen Dinh Thi, un jeune poète vietnamien. Parce que j'avais rencontré, vous savez, il y avait de temps en temps des festivals de dizaines de milliers de jeunes gens de toute l'Europe, même du monde entier, qui, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la jeunesse et des sports, se réunissaient pour échanger leurs idées sur la paix, le sport, etc. Et au cours, à Berlin, en 1951, j'ai rencontré des Vietnamiens qui étaient venus directement du maquis, du Viet Bac, pour faire connaître leur lutte, et je les ai rencontrés. Avec l'un d'eux, je suis devenue amie assez rapidement. D'ailleurs, c'est bizarrement. Quand je suis arrivée à Berlin, après pas mal de peine, parce qu'on voulait nous empêcher de nous réunir, alors il fallait faire pas mal de détours pour aller arriver à passer les différents rideaux de fer de toutes sortes. Enfin, quand je suis arrivée, Dominique de Santi, qui travaillait à l'époque à l'Humanité, me dit « Tu as raté quelque chose, parce que hier soir, nous avions rendez-vous avec des jeunes Vietnamiens qui sont écrivains, journalistes, et tu sais... » Enfin, je ne me les représentais pas du tout comme ça. Et il y en a un qui m'a beaucoup étonnée parce qu'il est... D'abord, il parle un français impeccable. Il a tout lu, il connaît tout. Et puis, il est amoureux de toi. C'est terrible. Là, je lui dis, écoute, ne plaisante pas avec ces choses-là. Il m'a demandé tout de suite, vous êtes française. Il a ouvert son petit carnet dans lequel il avait écrit des poèmes, comme ils font tous. Et puis, il a dit, je voudrais, s'il vous plaît, que vous me disiez si vous, votre poétesse héroïque qui était fusillée à Paris, qui s'appelle Madeleine Riffaud, a fait d'autres poèmes que celui-ci que j'ai dans mon carnet, qu'elle a écrit juste avant d'être fusillée. Alors Dominique éclate de rire, lui dit, écoutez monsieur, elle n'a pas été fusillée. Elle lui dit, mais où avez-vous lu qu'elle a été fusillée? Alors il lui dit, mais je suis dans la stupeur, parce que quand Ho Chi Minh est venu pour les accords de Fontainebleau en 1946, il a rapporté beaucoup de livres pour nous qui étions francophones. Et il y avait une revue dirigée par Paul Éluard qui s'appelait L'Éternelle Revue, et dans laquelle, voyez-vous, il y avait un article de M. Claude Roy qui présentait une chanson de Madeleine Riffaud. Et en effet, Claude Roy terminait son chapeau en disant « Cette jeune fille a écrit ce poème avant d'être fusillée. » Mais il n'a pas dit que j'étais pas fusillée, parce que pour lui, tout le monde savait que je n'avais pas été. Alors bon, mais pour le jeune Vietnamien... Vous étiez morte. J'étais morte. Alors... Elle me dit, tu as intérêt à le voir, parce que tu sais, c'est un grand poète dans son pays, et il est très beau, et il a des yeux de diamant noir, me dit-elle. Et elle ajoute, c'est un Gérard Philippe vietnamien. Ouah! Bon. Tout de même. Comment ça, ouah? Non, enfin, c'est beau, hein, Gérard Philippe vietnamien. Alors, nous rencontrons le lendemain, et devant plusieurs. Un petit groupe, et je vois le jeune homme en question qui vient vers moi avec sa timidité, son innocence qu'il a gardée jusqu'à aujourd'hui, et il me dit, alors c'est vous Madeleine Riffaud, et il me récite mon poème que j'avais écrit quand je devais être fusillée, 5 pas de long à ma cellule et en largeur 4 petits. Bon, moi, ça m'a plutôt agacé qu'autre chose. Et puis, on s'est mis à parler de choses et d'autres. Et ensuite, un journaliste qui était là me dit, nous devrions les ramener à leur hôtel parce qu'ils n'ont pas un sou. Regardez, ils sont vêtus, ils n'ont même pas un vêtement chaud. Ils sont si maigres qu'on dirait qu'ils vont crever. On va les amener à leur hôtel. Je dis, bien, c'est certainement, vous avez raison. Et au moment où... Nous descendons devant l'hôtel Nguyen Dinh Thi, puisqu'il s'appelle ainsi. me tend la main et me dit, je lui dis, je m'entends lui dire, adieu, je vous souhaite de bonne chance et j'espère que tout ira bien pour vous. Maintenant, nous n'aurons plus guère l'occasion de nous rencontrer de nouveau au festival. Et il me serre la main de même et chacun rentre chez soi. Le lendemain, non, il me dit quand même, mais à quel hôtel êtes-vous ? Je dis, au Majestic ou je sais pas. Et bon, à 4 heures dans le même matin, le téléphone sonne. Les Vietnamiens se lèvent tôt. Et j'entends la voix du garçon qui me dit, je suis le jeune poète que vous avez vu hier. Est-ce que ça ne serait pas possible d'avoir une autre rencontre ? Parce que nos deux pays sont en guerre. Il me semble que nous pourrions faire quelque chose, vous et moi, pour faire connaître ce qu'est vraiment le peuple vietnamien. Je lui ai dit, moi je serais absolument ravie de vous revoir. On s'est donc revus et pendant les quelques jours qui nous restaient, on s'est mis à traduire des poèmes. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse du Vietnam parce que j'ai découvert que dans ce pays d'une culture plurimillénaire, où les gens étaient pratiquement analphabètes, presque tous, la poésie était le véhicule pour transmettre les nouvelles. Et la poésie satirique pour faire de la politique contre le féodal, par exemple. Et ces quelques jours passés à Berlin avec ce jeune homme ont donné leur titre au témoignage que j'ai écrit ensuite, au moment du procès Henri Martin, parce qu'il m'avait dit, en me récitant un poème vietnamien vieux de plusieurs siècles, qui est un poème d'amour, écrit pour une jeune fille et un garçon qui ont été séparés par les propriétaires fonciers pour des questions d'intérêt, et qui dit ceci. « Toi et moi, nous étions faits pour être ensemble, comme deux baguettes de jade sur un plat d'or. Mais les méchants se sont mis en travers, et les baguettes et le plat d'or sont séparés. » En français, ça dit peut-être pas grand-chose, mais pour un Vietnamien, il y a tout le romantisme du monde, toute la mélancolie et le malheur du monde dans ces simples strophes à double sens. Nguyen Dinh Thi à Henri Martin. Les frères sans visage, par les soirs pourris, mains enchaînées, pieds dans les fers, quand ils descendent de l'auto entre deux rangs de légionnaires, au terrain vague des faubourgs, quand leurs ombres s'allongent contre le mur des fusillés, eux non plus n'oublient pas ton nom. La jeune partisane au profond des forêts, avec ses épaules maigres, son teint vert de paludisme, marchant inlassablement par collines et ruisseaux, nuit après nuit, quand les charbons deviennent rouges dans les maisons sur pilotis. Elle apprend à ceux de chez nous le son étranger de ton nom. Et le soldat de la moyenne région, le visage dévoré de napalm, les mains gonflées, les yeux aveugles, de ses lèvres noircies, il dit tranquillement, Henri Martin est notre ami. Écoute, Henri Martin, nous connaissons tes camarades. Nous avons mêmes ennemis. Notre amitié fait trembler le ciel et les prisons. Ho Chi Minh et Nguyen Dinh Thi, l'un croisé à Fontainebleau, l'autre à Berlin, tous deux vietnamiens, passionnés de leur indépendance. À leur contact, Madeleine Riffaut tombe amoureuse, du Vietnam. Un hémisphère s'empare de sa chevelure. Sa natte brune et large apparaît, elle ne la quittera plus. En France, la guerre d'Indochine fait des ravages. La lutte s'organise. Madeleine Riffaut combat à sa façon le colonialisme. Ensuite, j'ai participé à la lutte de la population française contre les guerres coloniales. C'était pour moi un devoir patriotique qui était la suite de la résistance. Mais je n'aurais jamais imaginé, quand j'étais à Fresnes, que deux ou trois ans après, quelques années après, j'allais me retrouver comme journaliste à impulser la campagne pour la cessation d'une guerre coloniale et à me faire le porte-voix pour faire savoir les horreurs qui se passaient là-bas où la France a employé pour la première fois le napalm contre la population civile. Et je ne savais pas que j'allais faire mon travail patriotique tout de suite, quoi. Je pensais pas qu'un tel malheur allait arriver à la France et aux jeunes de France particulièrement. Bon, ben, j'y suis allée à fond. J'ai fait des reportages, des grèves. Il y avait des affrontements très durs à cette époque avec les patrons. La classe ouvrière vivait très difficilement. Il y avait des grèves très dures. Ça, c'est 47-48. Oui, 47-48, mais même après, ensuite, la guerre du Vietnam a commencé, non pas avec le contingent, ça on l'a toujours empêché, mais avec des gens, des appelés, enfin des militaires de carrière et des engagés volontaires. Alors, il est certain que si j'avais été un homme à ce moment-là, j'aurais fait, par exemple, comme Henri Martin ou d'autres, qui ancien FTP, sont restés dans l'armée et sont partis au Vietnam dans le but, d'après eux, de lutter contre l'occupant japonais. Vous parlez, Madame Riffaut, d'Henri Martin, c'est justement avec lui qu'on pourrait dater ce qu'on pourrait appeler votre entrée dans la nuit coloniale. Oui, je pense que j'y étais entrée plus tôt, mais enfin, il se trouve que... Vous avez suivi son procès à Brest ? Oui, j'ai suivi son procès à Brest et à Toulon. D'abord c'est à Toulon, ensuite c'est à Brest. Et ce jeune homme, d'abord, a été accusé de sabotage. C'est une provocation immonde qui très vite s'est tournée contre les accusateurs parce qu'il était évident qu'il ne l'avait pas fait, qu'il n'avait pas saboté. Simplement, il avait raconté, étant présent dans la rade d'Haïphong au moment où on a bombardé, il a raconté les atrocités dont il avait été témoin, qu'il avait profondément bouleversé, dont il avait fait des tracts qu'il avait distribués aux marins. Et c'est pour ça qu'on demandait 7 ans de réclusion contre ce jeune quartier maître. Et les autres, vous voyez, les Jules Roy, les Sartre, tous ceux qui sont allés, Sartre n'a pas été en prison à ce moment-là, mais enfin, c'était élevé contre ça. Mais je pense à tant de grandes plumes qui ont manifesté. Et d'hommes politiques aussi, dirigeants du PCF ou de la CGT qui ont été mis en prison, ou des jeunes qui ont été mis en prison aussi. Mais c'était, pour moi, c'était des gens qui auraient pu être mon père, quoi. C'était pas ma génération. Mais Henri et Raymond Dien, c'était ma génération. Alors, je me sentais très proche d'eux. Alors, Raymond, elle était arrêtée le 23 février 50. Mais c'était des cas non uniques. C'était absolument pas des actes individuels. Ça faisait partie d'un courant qui, au début, a eu du mal à démarrer parce que l'Indochine, c'est loin. Et puis, au début, les Français s'en rendaient pas très bien compte. Comme le contingent n'était pas envoyé là-bas, tout ça, ils s'en fichaient un peu. Hein. Il y avait d'autres choses qui se passaient. Bon. Et puis, finalement, il y a eu cette affaire de Raymond. Il y a eu les femmes qui s'étaient couchées sur le... Il y avait les cheminots qui voulaient arrêter les trains, les dockers qui refusaient de charger les armes, par solidarité internationale avec le peuple vietnamien. Et tout à coup, il y a eu un élan du peuple français. Et les visages, parmi tant d'autres, restés inconnus, qui étaient grévistes et qui n'ont plus trouvé de travail, qui ont été expulsés. Je connais même une femme dont j'ai même oublié le nom, qui a été brûlée, une mère de famille, par une grenade lacrymogène et qui est aveugle depuis. Bon, mais il y a eu mille choses comme ça. Mais Raymonde et Henri, c'était des symboles, quoi. Alors, la Raymonde, qui était mariée déjà, c'est une jeune femme, quoi. Elle s'était, à Saint-Pierre-des-Corps, elle s'était trouvée avec l'Union des femmes françaises qui faisait une lutte contre la guerre. Et quand on a voulu faire partir le train, malgré la manifestation, avec d'autres personnes, elle s'est couchée sur les rails. Et les autres se sont levés plus vite qu'elle. Mais elle a été prise et on a dit qu'elle s'était couchée seule sur les rails. Enfin, il y avait l'autre qui s'était couchée. Mais en tout cas, elle est allée à la prison de Tours. Et je me souviens qu'elle m'avait raconté par la suite, après, qu'on l'avait installée enfin, en prison à Tours avec deux femmes. Et ces deux femmes lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu t'es fait piquer, pourquoi t'es une pute ou quoi bon. Alors elle a dit, pourquoi? Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, ont dit les deux dames qui étaient là. Si les cocos sont en prison, nous, on va être libérés en vitesse, tiens. Elles avaient été arrêtées toutes les deux. L'une, on l'a surnommée la chienne. C'était des adjointes de la Gestapo du coin, quoi. Alors, en effet, elles ont été libérées, elles. Mais Raymond, elle est restée un bon moment. Hein. Quant à Henri, Henri, j'ai assisté à son procès. Et, il a été condamné à 5 ans. Oui, de réclusion. J'ai trouvé que... Vous avez vu son portrait par Picasso, non? Vous n'avez jamais vu. Picasso avait fait son portrait, oui. Mais quand j'ai vu Henri, à Toulon, je ne suis pas allée, mais je suis allée à Brest. Alors, à la prison de Brest, c'était une prison militaire et très éloignée de Brest. Et parce qu'on ne voulait pas que la population puisse faire des manifestations autour, parce qu'il était devenu très très populaire partout sur les... Vous pouvez encore trouver, je suis sûre, en vous promenant sur une autoroute ou ailleurs, des inscriptions « Libérer Henri Martin ». Tout le monde écrivait « Libérer Henri Martin » partout sur les murs, « Libérer Henri Martin ». C'était dingue. Et alors quand je l'ai vu pour la première fois, j'aurais cru voir un des petits gars qui est avec moi, mais alors en uniforme, beau, bien sapé, quartier maître, et puis d'une dignité exemplaire. Il est très jeune et très, presque fragile, et je dois dire très beau. Et sa jeune fiancée, Simone, n'était pas moins belle, et j'avais bien aimé son père aussi, qui me rappelait mon grand-père à moi. Je sais pas, j'aimais beaucoup ses parents. Et il y avait son avocat, là, qui lui passait des fois des petits mots de sa fiancée. Et puis une fois, j'ai eu l'honneur de lui passer un petit mot d'amour que Simone avait écrit dans le creux de sa main, puis qu'elle ne pouvait pas s'approcher du box pour voir son fiancé. Alors moi, je suis passée derrière je me suis glissée derrière les avocats, puis j'ai donné à Henri. Ça, c'était mon boulot. J'aimais bien faire ça, quoi. Et puis, le soir, j'étais faire un meeting avec d'autres journalistes qui étaient là pour raconter à la population rassemblée ce qui s'était passé. Ça, c'est 1951. Ça, c'était en 50, si je ne me trompe. Oui, en 50. Et il y a eu... Ce symbole pour la paix au Vietnam avait été très, très connu dans tous les pays du monde. Vous ne connaissiez pas le Vietnam à l'époque? Non. Prévert avait écrit pour Henri Martin « Pourquoi gardez-vous en prison et depuis déjà plusieurs années, un marin qui s'appelle Henri Martin. Et Sartre aussi avait quelque chose de très fort, si je retrouve la citation. Il avait fait ce diagnostic. Quand un gouvernement s'obstine à voir un traître dans l'homme qu'une grande partie de l'opinion publique tient pour un héros, le pays est bien malade. Et une des répliques d'Henri m'avait été droit au cœur parce que, enfin, vraiment, je pensais tout à fait comme lui. Il racontait l'agent qu'on avait mitraillé, ou, dans laquelle il y avait un petit enfant, une femme. Et il racontait qu'on les avait trompés, etc. Et puis, enfin, le président lui dit, mais vous étiez en armée, et puis vous n'aviez pas discuté, et puis... enfin, vous savez ce que c'est que l'armée, ou chose comme ça. Et lui, il dit, oui, j'étais dans l'armée des FTP, des résistants. Je suis prêt à défendre mon pays contre tout assaillant, et jusqu'à la mort. Mais quand on veut la liberté pour sa patrie, on la veut aussi pour les autres. Bon, c'est une simplicité évangélique, mais enfin, c'est une vérité que j'avais fait totalement mienne. Moi, je voulais pas... Vous étiez une journaliste anticolonialiste. Oui, certainement, parce que j'aimais la France. C'était par amour de la France. C'était en droite ligne avec mon activité de résistante, pour moi, l'anticolonialisme. Parce que, je ne vais pas répéter la phrase d'Henri Martin, mais, ou bien je ne vais pas répéter non plus, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être un peuple libre. Il se trouve pourtant que c'est vrai, que c'est, en général ça arrive. Bon. Mais de toute façon, je ne voulais pas que ma patrie se conduise dans la patrie d'un autre comme les nazis s'étaient conduits chez nous. J'avais pas combattu pour ça. Madeleine Riffaut. Collage. Vous qu'un beau voyage, qu'une aventure exaltante attire, choisissez. L'Indochine a besoin d'hommes, de jeunes chefs. Elle vous attend. Elle vous offre un brillant début de carrière, un avancement rapide, une vie large, dans un cadre où vous pourrez utiliser toutes vos qualités d'homme. Un trou perdu, où l'on finit dans un trou dans la tête. Vous goûterez le charme et le mystère de l'exotisme. Un cadre nouveau et inattendu pour le français, la rizière, la brousse, les racks, les arroyos. Est-ce une vie, cela ? De crever un peu à la fois ? Bouffé par les fièvres, par la dysenterie amibienne, par la chaleur qui vous transforme en chiffon. Est-ce une vie, dites-moi, de transpirer sur un grabat, avec dans l'estomac une boule de riz et une demi-boîte de singe? Est-ce une vie de s'éclairer d'une loupiote, autour de laquelle, en myriade, les moustiques dansent la farandole? Travail intéressant. Quelle que soit l'affectation, elle donne à chacun l'occasion de s'épanouir pleinement et de montrer toutes ses qualités. Ce sera l'occasion d'apprendre un métier de valeur. Soldats silencieux sur les rangs, en rang, croix par croix. L'Indochine a besoin d'hommes. À 8000 km de son sol, la France a perdu plus de 38 000 tués pour la défense de choses qui ne lui appartiennent plus. Maréchal Delattre de Tassigny, 20 septembre 1951. L'Indochine a besoin de jeunes chefs. Cette guerre nous coûte chaque année deux promotions de Saint-Cyr. Le Monde, 26 février 1952. Après Dien Bien Phu, là j'étais déjà devenue un peu grande, alors j'avais couvert la conférence de Genève pour la vie ouvrière à cette époque, et puis... Ensuite, je vais rencontrer le Premier ministre Phan Van Dong, d'autres Vietnamiens. Je m'avais d'ailleurs demandé si le poète national que j'avais rencontré, Nguyen Dinh Thi, était encore en vie. Et il m'a dit, ah, je sais de qui vous voulez parler, mais il est en ce moment à Dien Bien Phu et Je ne puis vous dire qui survivra. En tout cas, quelque temps après, on m'a demandé si je voulais partir pour plusieurs mois au Vietnam, après la paix, donc, pour la VO et quelques journaux de la FSM aussi, la Fédération syndicale mondiale. J'y suis allée, je suis restée quelques mois jusqu'à la passation d'Haïphong. Alors, les accords de Genève qui avaient été signés reconnaissaient la souveraineté du pays, hein, de l'indépendance, la souveraineté du Vietnam, mais préconisait sa coupure en deux zones à partir du 17e parallèle. Il y avait au nord le Nord-Vietnam socialiste, enfin sous l'égide d'Ho Chi Minh et de son gouvernement du Viet Minh, de la Ligue Viet Minh, et au sud un gouvernement où seraient regroupées les forces françaises encore sur les lieux et où un gouvernant provisoire serait nommé, c'est-à-dire c'était Ngo Dinh Diem. Bon, et deux ans après cela, c'était Mendès France qui avait goupillé cette coupure. Oui, avec les Chinois et avec qui étaient là, et l'URSS et les Vietnamiens. Et ensuite, il devait y avoir des élections libres, deux ans après, pour que le pays puisse se réunifier et donner son avis. Mais jamais un peuple n'a été trompé aussi, de façon aussi dégoûtante, aussi totale, aussi malhonnête que le Vietnam. Les anciens résistants, puisqu'ils appelaient leur guerre la longue résistance. Ils disaient à longue lutte, longue guerre. Et parce qu'ils étaient très pauvres, très mal armés. Il ne suffit pas d'avoir des dirigeants bien aimés et d'avoir un parti fort. Mais tout ça, c'était des paysans. Il y avait très peu de classe ouvrière. Ils étaient analphabètes. Mais depuis des millénaires, ils s'étaient battus contre les invasions étrangères. Et ils s'étaient battus. Et là, il y a eu vraiment... Ho Chi Minh a été porté par un mouvement populaire. Et comme le disait déjà leur grand philosophe Nguyen Trai au XVe siècle, cet homme qu'on a honoré il y a quelques années à l'UNESCO, il disait « c'est quand les eaux montent qu'on se rend compte qu'elles soutiennent la barque ». Bon, le fleuve, c'est le peuple, et la barque, c'est le pouvoir, quoi. S'il n'y a pas une montée populaire réel pour tenir la barque, ben on a vu il n'y a pas tellement longtemps qu'il y a des régimes qui s'écroulent, même si au début ils ont été populaires. Bon. Or là-bas, on assistait à ce phénomène que Ho Chi Minh incarnait la patrie, non point le communisme, un tas de grandes idées encore bien fumeuses, mais la patrie et même la famille. On l'appelait l'oncle. Moi, je ne l'ai jamais appelé l'oncle parce que je suis polie, parce que je suis française et que je n'ai pas appelé un Vietnamien oncle. Mais je l'ai appelé toujours Monsieur le Président. Mais enfin, il eût été presque impoli quand on était Vietnamien de l'appeler autrement que l'oncle. Bon, le vieil oncle, Hong quand même, l'oncle respectable. Alors là, au moment où je me trouvais là-bas en 1955, j'ai vu arriver les soldats du Viet Minh originaires du Sud, qui venaient de quitter leurs femmes, qu'ils avaient parfois, dans le meilleur des cas, retrouvées deux ou trois jours, mais que quelquefois, ils n'avaient pas retrouvé du tout. Les familles étaient séparées, bon, mais qu'ils espéraient retrouver deux ans après. Alors, je me rappelle, il y en avait un, il apportait pour tout bien un sac de plastique dans lequel il y avait un peu de terre. Et il m'a dit, c'est de la terre du Sud. Quand je suis partie, il y a une vieille dame qui m'a donné cette terre. Elle a dit, va mon fils, tu reviendras dans deux ans voir ta famille. Et puis, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Les récits qu'on avait à cette époque faisaient froid dans le dos, quoi, parce que, alors que nous, Français, nous avions de bonne foi, quoi, hein, dit que nous garantissions la neutralité du Sud-Vietnam aussi, qu'aucun pays n'allait s'ingérer dans ses affaires, tout ça. Les Américains on fomentait, enfin, on arrangeait l'élection de la famille Diem, grand propriétaire terrien, etc., leur solde. Et une terreur s'est instaurée au sud, où personne ne devait être inquiété pour ses opinions. Or, dès le début, il y a eu la chasse aux résistants. Alors, la population était regroupée en population numéro A, femmes de résistants. B, suspects d'avoir aidé les résistants. 3, n'ayant rien fait. Enfin, bon, je trouve ça. Enfin, ça paraît, quand on raconte ça maintenant, c'est dingue, quoi. Les hommes de paille, quoi, de Diem, ont commencé par exterminer tout ce qui était nationaliste, aussi bien les bouddhistes, les OAO, les sectes, quoi. Bon. Et aussi ceux qui se réclamaient du Viet Minh. Alors, ils allaient dans les villages, ils prenaient une femme, peut-être de ceux que moi j'avais vus au nord, qui revenaient en se disant « je verrai ma femme dans 2 ans ». Puis ils lui disaient « toi, tu es la femme d'un résistant, hein ? Bon, alors, toi, il y a une campagne de divorce qui est commencée. Voilà la photo de Diem. Hein. Toi, tu te mets à genoux devant, tu fais les lies comme ça, et tu renies ton mari. » La femme dit « non, absolument pas. Je refuse. » Alors, Pulau Condor, c'était une île prison qui avait été créée par les colonialistes français, où on a entassé pas mal de monde. Nu et les fers aux pieds. Bon, alors, il y a eu des centaines, des milliers de femmes qui sont tombées dans cette histoire aux mains des sbires, des soudards, dans cette affaire de campagne des divorces, d'extermination des divorces, extermination des communistes aussi, des syndicalistes, de tout. Bon. Et puis, là, vraiment, les Américains ont fait une très grande bêtise psychologique. Premièrement, ils ont séparé les familles. Or, la séparation des familles au Vietnam, c'est terrible. C'est terrible partout. Mais là-bas, la famille, c'est très important. Si on y touche, bon. Deuxièmement, le Sud-Vietnam a toujours été, comme ils disent, à la crête des vagues, à la pointe des vents. Les gens du Sud-Vietnam sont des gens à qui on n'en compte pas. Ce sont des gens qui ont mené les premières jacqueries, qui ont fait toujours les premiers soulèvements. Une terre riche, où il y a bien à manger, où on boit bien, où on mange bien, où on rit, où on s'éclate. Bon. Et alors, tout à coup, on a mis ces paysans dans des hameaux stratégiques. On les a séparés des autres pour, soi-disant, ayant lu les écrits maoïstes et autres, pour séparer le poisson de l'eau. Alors, c'est une bêtise qu'avaient déjà fait les Français, d'ailleurs, dans la guerre précédente. Et puis, on a repris la terre aux paysans. Dans aucun pays du monde, on ne doit reprendre la terre aux paysans quand on la leur a donnée. Parce que ces paysans étaient libres depuis déjà pas mal de temps. C'était eux qui s'étaient soulevés les premiers du temps du Viet Minh. Alors voilà. Alors, le Sud-Vietnam, pour une petite ville comme Yen Bai, par exemple, qui a 120 000 habitants, comme ça, il y avait 119 pénitenciers. Enfin, c'était devenu vraiment... on ne pouvait plus vivre, quoi. Et les bonzes se sont mis à s'immoler par le feu. Il y a eu 913 ouvriers de Saigon qui sont suicidés. Parce que c'est une forme nationale de non-violent, quoi. C'est terrible quand, par exemple, ça se fait plus maintenant, mais ça se fait dans le temps, un propriétaire foncier vous accable de dettes, vous prend votre femme, vous oblige à lui vendre votre fille, etc. Si vous ne savez plus que faire, vous suicidez devant sa porte, c'est terrible. il sera poursuivi par le malheur après. Et puis là-dessus, la passation d'Haïfong a eu lieu, c'est-à-dire qu'en mai 55, les Français, les légionnaires surtout, qui étaient là, et se sont retirés de la ville d'Haïfong, qui était restée sous domination française d'après les accords, et ont accompli pour leur part ce qu'ils devaient faire. Et ils sont partis. Et l'armée vietnamienne est entrée dans Haïphong. Alors j'ai pu faire connaissance avec Haïphong à cette occasion. Et je suis partie moi aussi ensuite. Et là, j'ai fait la connaissance de l'Artegui, qui lui venait de Saigon, et qui me dit « Ah, vous êtes là, vous ?» Ben moi, vous savez, c'est pas marrant à Saigon. Je lui dis « Comment c'est pas marrant à Saigon pour un centurion comme vous, ça doit aller tout seul, non ?» Elle me dit « Ben non, pas du tout, c'est parce que M. Diem, il est peut-être catholique, il est peut-être tout ce qu'on voudra, mais en tout cas, il est anti-français. Et il m'a fait les pires histoires et je viens de me faire expulser de Saigon. » Ben je lui dis « Ben vous n'avez qu'une demande à faire pour vous faire entrer au Vietnam, c'est pas entrer au Vietnam du Nord, vous ferez la première reportage au Vietnam du Nord, moi vous savez, je suis pas jalouse. Hein. » Elle m'a dit « Ben si vous croyez, mais il a fait son reportage. » Et puis là je vois des légionnaires assez abattus, je me suis fait engueuler par un officier vietnamien parce que il fallait que tout se passe dans le calme et il fallait surtout pas de provocation, bien entendu, dans un moment pareil. Mais moi, je bavardais avec des légionnaires, on buvait de grands coups, ils avaient amené du pastis, tout ça, et puis tout d'un coup, il pleuvait, je vois un colonel qui passe, et puis je lui dis « Oh là là, mon colonel, les troupes sont fraîches !» Mais je voulais pas lui dire quelque chose de méchant. Et d'ailleurs, il ne m'a pas pris non plus du tout. Il n'a pas pris en mal ma petite boutade irrespectueuse parce que il pleuvait comme bœuf qui pisse. Et nous, on buvait en dessous notre pastis et on plaisantait comme des soldats plaisantent avec une femme française à 18 000 kilomètres de leur pays. Enfin, vraiment. Mais un officier vietnamien présent m'a convoqué ensuite et m'a dit, Vous n'auriez jamais dû faire ça, vous pouviez mettre en péril beaucoup de choses, faire un incident, vous n'avez pas été respectueuse. Je lui dis « Oh, écoutez, s'il vous plaît, hein, bon, je sais ce qu'il faut faire avec l'armée de mon propre pays. » Bon, mais enfin, il m'a engueulé quand même, j'étais en rogne. C'est là en 1955 que vous prédisez. Ah ben là, je dis aux... Alors, je voyais les potes légionnaires là qui s'en allaient et puis tout en buvant avec moi, puis il dit alors vous êtes là, vous comment vous trouvez le pays? Moi je lui dis bah pas mal. Alors il me disait foutu pays, foutu guerre, foutu gens, on pensait pas qu'on en reviendrait là, ils sont tous contre nous. Et je lui dis, qu'est-ce que vous songez à faire maintenant? Ben, il dit, ben, tiens, justement, vous qui venez de Paris, vous êtes peut-être au courant, il paraît qu'en Algérie, il y a la guerre. Alors, on va aller faire la guerre en Algérie, ce sera peut-être plus facile que... Ah, j'ai dit, hélas, je pense pas que ça sera plus facile. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale, parti pour mourir un peu. À la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère s'arrêter. Madeleine Riffaut, la mémoire sauve. Édouard Campras, François Rivalan, Jean-Pierre Juncker, Maurice Biard, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier.